compagnie. L'amitié est toute motivation qui se porte dans le corps, comme des enfants qui veulent être libres sur le terrain. Être avec vous fait ressortir le bonheur et la tranquillité en moi. Et pour être heureuse, il est nécessaire une goutte d'espoir, des secrets et de laisser couler les moments et que l'amitié se produise tout simplement.